I saw the best minds of my generation destroyed by madness. C'est très dur, n'est-ce pas? Le papier, c'est une pierre tombale. 6 gigotons, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, c'est mort, n'est-ce pas? Cette lutte avec le papier est vraiment très terrible. Bienvenue dans Bibliothèques Anonymes, le podcast qui explore vos bibliothèques. Aujourd'hui, au sommaire, la cuisine, l'intimité du chez-soi, la bibliothèque publique et le vol de livres. Épisode 13. Cédrienne. En fait, je pense ce qui est un petit peu bizarre quand on entre chez moi, particulièrement quand on fait un podcast sur les bibliothèques, c'est que j'ai pas de bibliothèque. Enfin, j'ai pas de meubles spécifiquement pour ça, ils ont tous d'autres fonctions. Quand on entre chez moi dans la petite entrée et qu'on tombe sur la merveilleuse litière du chat, n'est-ce pas ? Il y a une sorte de petit bahut en métal que j'ai récupéré des précédents locataires, sous lequel, en fait c'est celui sur lequel je pose mes clés, et sous lequel je mets tout ce qui est livres lus, livres de poche, beaucoup de la fiction. Et en fait, ils tiennent un petit peu par l'opération du Saint-Esprit, principalement. Ils sont collés contre le mur, maintenus par l'un des pieds du meuble, qui est en fait en angle droit. Et après, ils se tiennent les uns sur les autres, les uns contre les autres. Il y en a certains qui sont plus au fond et qu'on ne voit pas, à moins d'en retirer. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu préparer des extraits, j'ai dû tout retirer, tout remettre. Enfin, c'est absolument pas pratique. C'est pas du tout un meuble pour relectrice, malheureusement. Et ensuite, quand on entre dans ma chambre, il y a ce meuble très très bas, qui je pense était un meuble de télévision. Mais j'en ai pas, sur lequel je pose notamment mon lecteur vinyle et mes appareils photo. Et en dessous, c'est là que je mets mes disques et les bandes dessinées. Dernièrement, en fait ça fait pas très longtemps, je lisais très très peu de BD, de bandes dessinées et de BD quand j'étais plus jeune. Et je me suis mise à en acheter, à m'en offrir, à m'en faire offrir. Et d'ailleurs, ce meuble commence à être un peu trop petit, parce qu'au départ je m'étais dit, je mets mes BD là, j'en lis pas beaucoup. J'en achète encore moins, en général j'en emprunte, donc c'est bon. Sauf que je me suis mise à me faire offrir et à acheter des mangas qui sont ici, sur un autre meuble absurde, mon meuble sur lequel je pose mon projecteur pour regarder des films. Donc là, il y a tous les mangas que je possède. Ça fait pas beaucoup, parce que eux aussi je les emprunte beaucoup en bibliothèque, mais ça commence à gonfler en fait, parce que j'ai un ami qui me sert de bibliothèque municipale bis, uniquement pour les mangas. Il est sur Twitter, c'est @skaev, coucou, qui m'en a filé beaucoup, qui m'en a offert dernièrement beaucoup. Moi, en échange, du coup, j'essaie de lui prêter des choses un petit peu différentes. Ce qui fait qu'il y a toujours un... À chaque fois qu'on se voit, l'un de nous deux a un énorme sac rempli de mangas et repart avec un sac encore plus gros, ce qui est pas du tout bon pour notre dos, mais voilà. Derrière toi, il y a ce meuble que j'ai aussi trouvé dans la rue. Bon, tous les meubles ont été trouvés dans la rue. Mais qui est particulièrement beau, qui je pense était un vaisselier avant. Et dans la partie qui est ouverte en haut, c'est surtout des livres... J'allais dire c'est des beaux livres, mais le premier truc que tu vois, c'est Histoire de Babar le petit éléphant, donc pas nécessairement. Mais c'est des livres qui sont soit un peu précieux, juste parce qu'ils ont, ils ont la marque du temps, soit au contraire... Ils ont la marque de mon temps personnel, c'est des marques de mon enfance. Il y a des Martines qui sont cachées derrière Mrs. Dalloway et l'amant de Lady Chatterley, surtout. Bon. Et d'ailleurs, il y en a encore un petit peu au-dessus, à côté d'un prix que j'avais eu pour de l'écriture, des grammaires islandaises, non, je ne parle pas islandais, et... un de mes livres préférés, dont je ne lirai pas d'extrait aujourd'hui, mais qui est L'homme sans qualité. On m'avait offert une plus vieille version qui est un peu jolie. Et le clou du spectacle, qui est donc ma dernière bibliothèque, entre gros guillemets, qui est juste derrière moi, c'est à la fois des livres de cuisine, parce qu'on est juste à côté de la cuisine, mais c'est surtout des livres, ce que j'appelle la non-fiction, parce qu'il y a, beaucoup d'essais politiques, d'essais philosophiques, d'histoires de vie, comme par exemple j'ai Ella Maillard. Et en fait, quand je parle cuisine, alors il y a aussi quelques mangas, mais qui sont liés exclusivement à la cuisine ici, J'ai pas toute ma collection parce que j'en ai beaucoup prêté, mais je lis beaucoup d'essais sur la cuisine parce que j'écris un livre sur le rapport à l'alimentation, comment ça nous définit. Sauf que là encore, et c'est là que je vais venir à la dernière pièce, à la principale, j'emprunte beaucoup en bibliothèque, surtout ces livres-là qui sont souvent assez chers, assez pointus. On est toujours sur des éditions universitaires à 50 balles et j'ai pas ou plus envie de dépenser autant d'argent pour des livres, en tout cas quand je suis pas sûre que ça va revenir à l'auteur. Voilà. C'est-à-dire que si l'auteur est mort, ça m'intéresse pas spécialement de racheter une édition. Et du coup, moi en fait, j'habite vraiment à 5 minutes de la bibliothèque municipale, qui est juste à côté du jardin des Halles, très connu pour son accumulation de crackheads en tout genre, que je salue joyeusement à chaque fois que je vais à la bibliothèque, et c'est très très souvent. Là-bas, j'y vais surtout pour la bande dessinée et pour la non-fiction liée à la nourriture. Ils ont un très bel espace, c'est la bibliothèque avec la Babel, pour ceux qui connaissent. Ils ont un très bel espace qui est lié, c'est tout ce qui est culture, société, et avec une grande partie alimentation. Pas très grande, c'est pas du tout une bibliothèque spécialisée, mais bien plus grande que beaucoup d'autres bibliothèques où j'allais. Et depuis que je me suis mise à écrire ce bouquin, et même encore avant, j'ai beaucoup beaucoup lu des historiens de l'alimentation, notamment une nana qui s'appelle Madeleine Ferrière, dont je vais lire un extrait d'un livre que je n'ai pas avec moi, mais qui faisait partie de ma bibliothèque pendant des mois, puisque c'était un gros gros livre. Et du coup, j'ai pris en photo la conclusion, que je trouve très belle. Et ouais, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. J'ai des livres chez moi, il y a les livres non lus dans cette espèce de vaisselier, où si je sais pas quoi faire, je sais pas quoi lire, je sais pas quoi mettre, je dois partir, je dois prendre le métro, je vais aller piocher là-dedans. Mais c'est pas toujours simple parce qu'en fait, c'est beaucoup des livres que j'ai glanés, soit qu'on m'a offert, soit quand j'étudiais dans le cinquième, j'allais beaucoup à feu bouligner. Et du coup, j'ai acheté le livre à 20 balles, à 20 balles, 20 centimes. Non, justement, on a bien compris que j'étais très radine. Et du coup, il y a plein de trucs qui correspondaient à mes goûts et qui aujourd'hui me correspondent plus trop. Aussi parce que je lis quasiment plus de romans aujourd'hui. Parce que un de mes boulots, c'est de lire des romans pour qu'ils soient adaptés à la télévision. Ce qui fait que, en fait, je lis déjà un à deux romans par semaine. Pas toujours de la grande qualité, et en plus j'écris de la fiction, principalement, aussi bien en livre qu'en jeu vidéo, et du coup, ça fait que c'est plus du tout du repos en fait. Avant, quand j'étais en prépa ou quand j'étudiais le cinéma, je lisais des romans parce que ça me faisait plaisir dans le métro, maintenant je sature un petit peu. Donc voilà, ma bibliothèque ou mes bibliothèques. Mes bibliothèques meubles et surtout ma bibliothèque municipale qui est mon lieu. Et avec la pandémie, j'ai plus trop pu y passer du temps. Avant, j'habitais dans un autre quartier et j'allais souvent dans la bibliothèque pour lire soit des longues séries de mangas, soit. À cette époque-là, j'étais pas trop branchée bouffe, mais quelques essais philosophiques et quelques romans aussi. Ou de la poésie. Et là, je me posais et je lisais. Et maintenant, c'est plus trop possible. Et pour le coup, cette bibliothèque-là m'inspire moins pour ça. Il y a un petit espace, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus adapté aux enfants, principalement. Donc c'est pas le lieu de lecture du tout. C'est le lieu d'emprunt. Voilà. Le lieu de lecture, c'est ici. Voilà, j'ai essayé un petit peu ces derniers temps, surtout lors des derniers confinements, d'avoir un endroit où je lis et où je suis tranquille et où je suis pas avec mon téléphone et pas avec mon ordinateur. Parce que enfin, je pense que je suis pas la seule à avoir dramatiquement augmenté ma consommation d'écran ces 2 dernières années. Et du coup, au lieu de me mettre sur mon lit et d'avoir mon portable qui est en train de charger à côté, j'ai un très beau fauteuil, c'est pour ceux qui ont vu le film ou qui imaginent, c'est le fauteuil en rotin du film Emmanuel. Pas l'original, mais tout comme. Et en général, c'est là où je me pose quand il n'est pas squatté par mon chat pour lire. Et maintenant que la vie a repris son cours, c'est évidemment comme tout le monde dans le métro. Enfin, comme tout le monde, comme tous les Parisiens. pause café. Madeleine Ferrière, histoire des peurs alimentaires. Les peurs ici rapportées entretiennent entre elles de secrètes affinités. Au-delà des peurs, il y a la peur, soit ce sentiment d'insécurité alimentaire qui s'entend et s'exprime de façon parfois proche d'une autre, et souvent différemment. Chaque constellation historique étant différente, elle n'est jamais tout à fait la même, et jamais tout à fait une autre. Elle n'est ni permanente ni globale, elle varie dans le temps en fonction de trois paramètres. Le premier est la faim, la peur de la pénurie, autrement plus forte et plus obsédante. Les deux anxiétés coexistent dans une configuration qui est symétrique de celle d'aujourd'hui. Actuellement, toute la capacité d'angoisse du mangeur se mobilise sur la question de la qualité sanitaire. Mais qu'une crise s'annonce, qu'une guerre se profile, Suez, le Golfe, et on voit ressurgir les files d'attente pour l'approvisionnement, des lieux où la rumeur enfle et où la peur se propage. Le syndrome de la gondole vide, observé dans ces cas, est l'expression la plus contemporaine du vieux stress alimentaire. La peur de l'aliment insane s'exprimait en période d'accalmie, de beau temps alimentaire, quand la ration quotidienne de pain semblait assurée pour les saisons à venir. Dans ce long règne de Louis XIV, marqué par le retour récurrent de la disette et de la famine, les inquiétudes des gouvernants et des gouvernés relatives au pain blanc se font jour en période de bonne récolte céréalière. Quand surgissent la disette et son cortège de nourriture et de nourritures immondes, elles s'estompent. Alors, on déplore les aliments ignobles, mais on les décrit comme des nourritures de nécessité. Qu'est-ce que je peux dire de plus, d'autre ? Je peux parler de... En fait, il s'est passé un drame. Attention. C'est que j'ai déménagé plusieurs fois au cours de ces deux dernières années. Je suis partie vivre en Corse, donc j'ai pas pu prendre beaucoup de livres avec moi. D'ailleurs, les livres que j'ai pris, je ne les ai pas lus. J'en ai acheté d'autres et emprunté d'autres, mais eux, ça n'a pas été possible du tout. Et j'allais quand même beaucoup à Paris, notamment pour revoir la personne avec qui j'étais à l'époque, et un peu ma famille, mais surtout cette personne-là. Et mon spot préféré, parce que c'est le moment où j'ai commencé à avoir l'idée du roman que je suis en train d'écrire actuellement, enfin l'un des trucs que je suis en train d'écrire, sur la nourriture. Et du coup, j'allais beaucoup, beaucoup, cette fois en librairie, un endroit qui s'appelle la librairie gourmande, où j'ai acheté énormément de livres d'une autrice que j'adore, qui s'appelle Ryoko Sekiguchi, qui écrit sur la nourriture, la traduction, l'interculturalité dans la grande cuisine, principalement. Ce qui n'est pas du tout mon domaine d'étude, moi je suis plutôt intéressée par ce qu'on appelle les nourritures canailles, ou la street food, la nourriture... C'est extrêmement bourgeois de dire comme ça, mais la nourriture du peuple, en fait. Et elle va être plutôt dans un autre niveau, mais c'est assez intéressant cette façon d'aborder les gastronomies. Elle est d'origine japonaise, elle est traductrice du français au japonais et du japonais au français, principalement du japonais au français. Et moi je l'ai découverte avec un livre qui s'appelle Fade, qui parlait du fade en notion de saveur et de comment c'était quelque chose qu'on rejetait en France principalement, et qui était plutôt quelque chose de recherché au Japon, parce que pour eux le fade c'est l'expression de la pureté en fait. Ils cuisinent beaucoup avec de l'eau et ils cherchent à atteindre l'eau la plus pure possible pour cuisiner, et donc il faut sentir le goût de l'eau. Ce qui peut nous sembler un petit peu absurde. Et son livre, il est tout petit, mais c'est tout un truc sur comment en fait ça dit des choses sur comment on perçoit la vie. Et c'est là que ça m'a donné envie d'écrire l'histoire d'un être qui n'est pas vivant et qui renaît à la vie par la nourriture. Ça a fait beaucoup écho à mon rapport à la nourriture. Et là, je me suis mise à lire beaucoup sur un sujet sur lequel je ne voulais pas lire jusqu'alors. J'ai emprunté et acheté beaucoup de livres de cette autrice, principalement, parce qu'elle a aussi écrit quelque chose sur la saveur astringente. J'ai acheté son dernier livre où elle visite Beyrouth, et où elle essaye de découvrir la ville à travers sa gastronomie, à un moment un peu charnière puisque c'est juste avant les attentats de l'été dernier. L'explosion de l'été dernier, les accidents. Et en fait, malheureusement, j'ai plein de livres de cette autrice qui ont tous disparu. Il y en a un, bah celui sur Beyrouth, je l'ai prêté à ma copine et elle a disparu dans la nature. Il y en a d'autres que j'ai rendus, il y en a d'autres qui ont été perdus dans le déménagement. Enfin, ils ont... Je voulais lire un passage. En fait, le seul que j'ai d'elle actuellement, c'est celui-ci, qui s'appelle Sentir, sur le vin de Champagne. C'est pas n'importe quel vin, mais c'est pas mon préféré, parce que justement, ça parle pas de la nourriture qui tire au corps, c'est ce truc effervescent et léger dans les bulles. Donc voilà. En fait, c'est très bizarre de faire visiter ma bibliothèque chez moi, parce que je pense que mes livres préférés sont pas dedans, à quelques rares exceptions que j'ai bien sélectionnées, bien mis de côté, évidemment. Et ouais, je me suis trouvée un petit peu... pas bête, parce que j'avais très envie de parler de mon rapport à la littérature et aux bouquins, mais chez moi, il n'y en a pas tant que ça, et même j'ai un petit peu tendance à m'en débarrasser régulièrement. Il n'y a pas un truc de... Bah, d'ailleurs, ça se voit un peu à l'état de mes livres. En plus, c'est une exception, mais... Moi, les livres, c'est des trucs que je mets dans mon sac pour lire, quoi. Tout simplement, j'ai pas vraiment un rapport avec l'objet. Ils sont tous plus ou moins cachés chez moi, aussi. Là, bah ouais, en fait, le premier, il est dans l'entrée, donc on passe devant. Tous mes meubles sont bas, du coup, il y a aucun livre qui a hauteur de regard. Et pourtant, je suis petite. Même pour moi, il n'y a pas de livre à hauteur de regard. Alors que j'ai des beaux livres, en plus je pourrais vouloir les montrer un petit peu, mais ils sont tous cachés derrière d'autres choses qui sont soit plus utilitaires, soit... je sais pas, c'est drôle parce qu'en plus c'est vraiment quelque chose qui a changé chez moi à partir du moment où je me suis mise à vivre seule. C'est-à-dire que dans mes chambres, quand je vivais chez mes parents, donc je parle littéralement d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça fait au moins 10 ans que j'habite plus avec mes parents, mais à l'époque, j'avais des vraies bibliothèques, les fameuses Billy d'IKEA, et j'en avais, chez ma mère, devait y en avoir une 5, je crois, des Billy, et chez mon père, 3-4 peut-être, et qui étaient vraiment remplies, et je mettais bien en avant, et j'essayais de trier. Sauf que je trouvais rarement un système de classement et de tri qui me convenait. Parce que, en fait, les livres qui se retrouvaient mis en avant avec des systèmes de tri, que ce soit par ordre alphabétique, par genre, par couleur, j'ai fait ça aussi, ça faisait pas forcément ressortir les livres auxquels je tenais le plus. Et rétrospectivement, c'est parce que je tenais pas nécessairement à ces livres, en fait. Ceux que j'aimais beaucoup, ils restaient rarement avec moi, parce que je finissais toujours par les prêter. Là, dernièrement, il m'est arrivé exactement la même chose, c'est que j'ai prêté Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier à un date Tinder, qui évidemment a complètement disparu dans la nature après ça. Donc voilà, adieu Théophile, je t'aimais bien. J'ai oublié son nom en plus. Lola. Bon bah Lola, si tu m'écoutes, je veux bien récupérer mon livre quand même. Il y a d'autres dates Tinder à qui je veux le prêter, évidemment. Mais voilà, les livres en fait, ils étaient un petit peu faits pour vivre. Et ça faisait que la bibliothèque d'apparat me ressemblait pas. Et quand j'ai remarqué que j'avais toujours ce petit truc de quand tu vas chez quelqu'un, tu regardes la bibliothèque de l'autre pour essayer de le connaître, je me suis dit, mais on va pas me connaître en fait, en visitant ma bibliothèque. Ou alors on va me connaître en découvrant l'espèce de chaos de la façon dont les livres sont mis. Déjà, je suis très très fière de ma superbe organisation où j'ai réussi à mettre quelques livres dans un certain thème au même endroit et séparer ceux qui sont lus et ceux qui ne sont pas lus. Ce n'était pas le cas avant. C'est pas simple. Oh! Et j'ai oublié de présenter un truc. Là, dans ce meuble, dans l'un des deux tiroirs, donc enfermé et vraiment caché, il y a tous les livres sur le cinéma. Attends, je vais quand même te montrer. C'est ça qui est fou. Il y en a qui sont tellement cachés. J'ai des livres sur la figure du monstre, sur le sexe dans les séries, sur l'écriture de scénarios et de scénarios interactifs, puisque c'est ce que je fais. D'anciens scénarios, des trucs sur la direction d'acteur. Puis il y a des trucs très très bien, hein, avec les DVD. Parce que, évidemment, comme je fais du cinéma, on m'offre des DVD en pensant pas au fait que plus personne n'a de lecteur DVD. Donc j'ai acheté un lecteur DVD exprès pour ça. Avec des films qui m'ont beaucoup déçue pour la plupart dans leur redécouverte. Mais voilà, ça aussi c'est caché, quoi. Alors que les livres sur le cinéma, ils sont plutôt beaux, a priori. Mais ça fait un peu... déjà, j'ai pas envie de penser au boulot absolument tout le temps quand je suis chez moi et avec mes livres. Les gens qui me connaissent savent que je travaille dans le cinéma, en partie, ou dans l'écriture en tout cas. Du coup, j'ai pas non plus besoin de les prévenir avec ça. J'ai pas besoin d'avoir une bibliothèque avec « écrire un scénario, John Truby ». Ils savent que je fais ça. A priori, si t'entres chez moi, t'es au courant de certaines choses, parce que j'évite de trop recevoir. Ça fait très introverti. Non, on n'entrait pas chez moi. Non, ça va. Mais ouais, j'ai. C'est... Chez moi, c'est quand même un espace assez petit. Et comme la chambre fait aussi le salon, c'est. On entre vite dans l'intime quand on laisse entrer des gens. J'espère que tu te sens honoré. Donc, du coup, c'est toujours. C'est toujours un petit peu bizarre. Puis en plus, comme j'ai un chat. Il salit absolument tout. Donc je dois... Là, j'ai passé le balai, tu vois, avant que tu viennes. Et ça ne se voit pas, parce qu'il a déjà eu le temps de tout faire. Donc voilà. C'est ça, ma bibliothèque. Tintintintin. Les chansons de Bilitis, de Pierre-Louis. Les seins de Mnasidika. Avec soin, elle ouvrit d'une main sa tunique et me tendit ses seins tièdes et doux. Ainsi qu'on offre à la déesse une paire de tourterelles vivantes. « Aime-les bien, » me dit-elle, « je les aime tant. Ce sont des chéris, des petits enfants. Je m'occupe d'eux quand je suis seule, je joue avec eux, je leur fais plaisir. Je les douche avec du lait, je les poudre avec des fleurs. Mes cheveux fins, qui les essuient, sont chers à leurs petits bouts. Je les caresse en frissonnant, je les couche dans de la laine. Puisque je n'aurai jamais d'enfants, sois leur nourrisson, mon amour, et... puisqu'ils sont si loin de ma bouche, donne-leur des baisers de ma part. » Donc dans l'entrée, comme tu vois, c'est beaucoup... Ah oui, bah une chose qui est assez importante, c'est que j'ai beaucoup plus... Enfin, de plus en plus, ces dernières années, j'ai des livres en anglais. Chose que j'avais pas trop avant, parce que je lisais pas très bien l'anglais jusqu'à la prépa, jusqu'à mes 18 ans. Ce qu'on m'offre, ça va plutôt être des livres en anglais, parce que j'ai une amie qui a bossé pendant longtemps à la librairie Shakespeare & Company. J'ai un ami à qui je parle exclusivement en anglais, pour des raisons assez absurdes, de décalage de personnalité, en fait. Ce qui fait que, en plus, les livres qu'il m'offre, qui sont dans cette langue, correspondent un peu à cette autre personnalité que j'ai avec lui. Ouais, c'est très psychanalytique tout ça. Et ça fait qu'en fait, de manière complètement... Enfin, c'est complètement par hasard, mais l'étage le plus bas de livres, celui qui supporte un peu tout, qui sont principalement des poches, des folios classiques, avec ces belles couvertures blanches, sont en bas, parce que ça correspond un petit peu à moi d'avant, et la Cédrienne qui parle français, du coup. Et après, ça commence à se mélanger un petit peu plus, relativement bien sûr, mais à être plus bilingue. J'habite dans un immeuble pas très bien insonorisé, et comme cette partie de la bibliothèque est dans l'entrée, je suis juste à côté de la porte, où derrière, il y a la... je crois que c'est une dame, on va dire l'agent d'entretien de l'immeuble qui est en train de passer l'aspirateur. Voilà, on est vraiment en real life. Real life du 18e arrondissement. Il y a donc En fait, il y a ces livres qui sont en bas, qui soutiennent ceux plus hauts, qui sont moitié français, moitié en anglais. Il y en a quelques-uns qui sont un peu beaux. Ce que j'aime bien avec les livres en anglais, c'est qu'ils sont quand même... C'est quand même des couvertures vachement plus belles, ou marrantes, ou colorées. On quitte un petit peu la sobriété des folios classiques. Et surtout, il y avait aussi une couche derrière. C'est tous les livres un peu fins. On connaît tous... c'est quoi ces librios, c'est ça? Juste pour que ça soutienne, parce qu'en fait, comme il y a ce truc en angle droit, le pied en angle droit de meuble de l'entrée, pour bien retenir les livres contre ce pied en angle droit, je mets des livres derrière. Donc eux, ils sont complètement inaccessibles. Ils sont mis dans l'autre sens, il y en a certains qui sont couchés à l'horizontale. Enfin, faut pas inviter un maniaque chez moi, je pense. Pas pour lire. Pas pour prendre le thé non plus, parce que je fais pas beaucoup la vaisselle. Bon, faut pas venir chez moi. Voilà. Pourquoi vous invitez déjà? Et ça, très important. derrière, il y a cette... l'encre a un petit peu fondu, mais il y a cette calligraphie qu'avait faite une fille qui s'appelle Jeanne, qui est la copine de mon ex-copain. Elle avait fait ça quand j'étais venue leur rendre visite à Chengdu. Ils habitaient là à l'époque. Et elle m'avait fait cette calligraphie qui est assez jolie, qui ressemble... Enfin, ça représente un bambou. Et il y a écrit, je ne vais pas vous le lire en chinois, mais il y a écrit en gros « Ah, quelle joie d'avoir des amis à la maison !» Ce qui est très mignon, ça m'a beaucoup plu d'avoir ça, et c'est très ironique que je l'ai. Et il est du coup caché à moitié par mes livres. Et comme même si j'en achète pas beaucoup, on continue de m'en offrir et ça m'arrive d'en prendre, je pense qu'à la fin ça va être complètement caché. Il y a ça, et l'autre chose qui est... caché, c'est un grand grand livre dont je ne sais jamais quoi faire, qui s'appelle L'art du dessin. Je ne dessine pas, je peins un petit peu, mais je ne dessine pas, et en plus c'est une réédition de gravures du 17e siècle, donc avec une conception de l'anatomie et une recherche dans la représentation de muscles qui n'existent pas toujours, assez déconcertante. Et là, pour le coup, comme il est un petit peu plus bas, il n'est pas collé, contrairement à la calligraphie de mon ami, il est complètement dissimulé, là, petit à petit. En fait, plus j'achète de livres, plus je me rappelle que je ne sais pas dessiner et que je ne cherche pas à m'améliorer. On peut dire ça. Ensuite, parce que je pense qu'on a fait le tour. On a déjà dit beaucoup de choses sur cet endroit. Si un truc... que je pourrais dire là-dessus, c'est que des ce qu'on appelle paperback, je sais pas comment on pourrait dire en français, c'est que des livres assez mous ici. Du coup, je pense que c'est pas non plus super pertinent de les mettre les uns sur les autres comme ça, parce qu'ils s'abîment beaucoup plus. Mais c'est pas grave. Voilà. Finalement. La vida es sueño. De Pedro Calderón de la Barca. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero, me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Juste ce petit, ce meuble de télévision qui du coup est très en longueur, ce qui me force à mettre des grandes, grandes bandes dessinées à l'horizontale, à côté de disques vinyles qui sont aussi mis à l'horizontale. Donc ils sont pas faits pour. J'ai quand même le désir qu'on puisse lire facilement les titres. Et donc normalement, sauf celui-ci, je mets les livres de manière à ce que si on se met à la hauteur, donc comme on le fait en s'asseyant par terre, on puisse lire tous les titres et les emprunter facilement, sauf quand les gens sont des connards comme ça et mettent les titres à la verticale, en pensant aux gens qui ont des vraies bibliothèques. Putain. C'est pas possible. Et comme on voit, j'en ai pas énormément, parce que c'est un peu... Enfin, c'est pas forcément mon pôle de dépense principale, mais j'ai beaucoup reçu en cadeau. Et il faut savoir que Une vie de moche, c'était mon cadeau d'anniversaire de la part de mon père. Et je pense que ça dit beaucoup de choses sur les rapports familiaux, et c'est important de le savoir. Et juste au-dessus, pour ceux qui ne le voient pas parce que c'est un podcast, encore une preuve que la télévision c'est quand même mieux que la radio, n'est-ce pas? J'ai beaucoup d'appareils photo. En fait, c'est un petit peu... On dirait que c'est un peu le pôle passion autre, j'ai l'impression. Puisque mon boulot principal, c'est d'écrire et un peu de lire. J'ai tous mes appareils photo avec lesquels... Et mes pellicules qui vont avec. Il y a les vinyles, parce que ça m'arrive d'écouter de la musique. Waouh, c'est assez épatant et original. Et les bandes dessinées qui du coup sont quand même un... C'est à la fois très proche, en fait tout ça c'est très proche de mon univers de toute façon, comme dans le cinéma on travaille avec le temps, avec le son, donc avec la musique, qu'on découpe image par image, il y a quand même un truc très proche de la bande dessinée pour le storyboard, et on travaille avec l'image, donc la photo. En fait je fais toujours exactement la même chose, même dans mes hobbies. C'est marrant. J'aimerais bien avoir plus de BD, mais comme je les emprunte beaucoup... En fait, c'est presque ça ma plus grosse frustration, parce qu'un livre, ça se prête, mais souvent, notamment les poches, c'est pas très cher, ça va. Donc je peux toujours dire à quelqu'un « Ouais, tu devrais prendre ça. » Et par contre, les bandes dessinées, c'est parfois difficile de les recommander. Et j'aimerais bien avoir plus accès aux BD que j'ai aimées pour les prêter. Il y en a une que j'ai lue il n'y a pas longtemps, qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Chinese Queer. Le nom du mec, c'est un truc genre, je sais pas, H. Enfin, c'est le nom des dessinateurs BD qui ont toujours des pseudos absurdes. Et lui, c'est d'autant plus vital parce qu'il parle de la vie d'un homme homosexuel en Chine, dans une petite ville en plus, qu'il n'arrive pas à quitter. Et j'aimerais beaucoup pouvoir prêter cette bande dessinée-là, et je ne la possède pas. Ça, c'est peut-être une de mes frustrations, plus en BD qu'en livre, en tout cas, plus en BD qu'en roman, si on parle de fiction. Et j'ai dit que j'avais pas de trucs affichés et que je me la pète pas, mais il y a quand même ces choses-là. J'ai la Divine Comédie de Dante en version... Je crois que ça date du 19e, mi-19e, ça doit être écrit. En version bilingue, attention. Mais je ne l'ai jamais lu, évidemment, parce que... 1865, voilà. Sauf que je l'avais emporté quand je suis partie en Corse, en me disant que ça serait ma grosse lecture à ce moment-là. Et puis, j'avais pas pensé que j'étais pas partie pour les vacances, mais pour travailler, et que du coup, il faut un certain... espace mental pour ce genre d'œuvre, d'autant que quitte à le lire, en fait je lirai sans doute une traduction un petit peu plus à jour et un peu plus élégante. Et il y a ça qui n'est pas à sa place, en fait c'est le divan de Hafez que j'avais pris à un moment, c'était au début de l'année, et je m'étais mise à être un petit peu plus intéressée par tout ce qui est lié au hasard. J'avais fait un tirage de Yiking aussi. Là, bon, on fait ce qu'on peut. D'aucuns ont l'astrologie, et bien moi j'ai des livres. Et en fait, le Divan de Hafez, pour ceux qui ne savent pas, c'est un grand livre de poésie perse du 7e siècle, je crois. Et il se trouve que quelque chose qui se fait beaucoup, notamment en Iran et dans d'autres pays qui ont cette culture-là, au moment de Nowruz, et aussi au moment du Nouvel An occidental, maintenant ça se fait, on ouvre au hasard une page. Et on passe la nuit à essayer de déterminer qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie à venir. Et à un moment où j'étais un petit peu perdue, j'avais fait ça. Et je crois que j'ai marqué la page. Ou que je ne l'ai pas marquée du tout. Enfin, on va le faire tout de suite. Voilà. Voilà, je suis tombée au hasard sur la page 392. Sans doute ta bouche douce et menue est-elle le sceau de Salomon, car le dessin de son cachet rubis tient le monde sous son chaton. Lèvres rubis et duvet couleur de musc, qui les a n'a pas leur modèle. Je jubile car la beauté de l'être qui m'a séduit possède l'un et l'autre. Tant que tu demeures sur la terre, tiens la puissance pour une aubaine, puisque le temps détient sous terre l'impuissance en abondance. Oh, nanti, ne regarde pas avec mépris les faibles et les efflanqués. À l'assemblée de l'honneur, le pauvre et le vagabond sont en tête. La prière des nécessiteux éloigne le malheur de l'âme et du cœur, qui tirerait du bien de cette meule s'il méprise le glaneur. Zéphyr, au roi des êtres beaux, fait allusion à mon amour. Il tient 100 Jashid et Kay Khosrow pour ses moindres esclaves. S'il déclare qu'il ne veut pas d'amant pauvre comme Hafez, dites-lui que la royauté a toujours auprès d'elle la mendicité. Voilà. Donc j'espère que tous les gens qui écoutent ont bien retenu la leçon. Bon, on a ça dans la Bible aussi, hein, les premiers sont les derniers sont les premiers. Mais c'est dit assez élégamment et toujours de manière très très sensuelle. Et du coup c'est mon livre de chevet en fait, que j'ouvre très rarement. C'est un peu pour épater la galerie comme maintenant, parce que c'est absolument divin comme type de texte. Là, je vais pas en faire toute une interprétation, parce que comme je l'ai dit, c'est censé faire la nuit, et qu'on n'a pas... Bon, moi, je vais devoir partir, quand même. Nous tous. Mais voilà, dans... Je sais pas si on peut dire que ça fait partie de ma bibliothèque, mais c'est sur ma table de chevet. Table de chevet dans laquelle... Je sais pas, il y a ce truc un petit peu de... ésotérique ou onirique, juste là, où j'ai aussi un carnet dans lequel je note tous mes rêves. Après, je peux faire des parallèles. Je peux demander à Hafez ce qu'il en pense. Il est toujours très... Il n'est pas très limpide dans sa façon de m'expliquer son avis. Voilà, c'est pas mal. Et je pense qu'on a fini sur ce lieu-là, parce que finalement, il n'est pas... Voilà, il est... Ce que j'aime bien avec ce meuble, c'est qu'il est bas, en fait. J'essaye d'avoir... autant que possible des choses qui sont vraiment près du sol. Même, du coup, t'as pas pu voir mon chat, mais pareil, il est très long, très gros, mais il est hyper trapu. Lui aussi, il est hyper près du sol et il saute quasiment pas, il monte jamais sur les meubles. Ou en tout cas, jamais sur les meubles hauts. Par exemple, là, j'ai une espèce de barre au niveau de ma cuisine, contre lequel il y a le meuble avec les livres de cuisine, notamment. Et il ne monte jamais là-dessus. Et c'est pas très haut, ça fait 1m20, même pas. Mais voilà. Je l'ai pas choisi pour ça, mais je pense qu'il y a un truc très... Ouais, très très près du sol, qui s'est fait un petit peu par hasard. Mais j'évite d'avoir des meubles trop hauts. Je veux que tout soit potentiellement accessible. C'est pas... Et c'est pas si évident. Dans mon dressing, je cache les trucs... comme ça. Je sais qu'avant, bah, quand j'avais des bibliothèques un peu plus grandes, des billes, moi je suis pas très grande, donc il y avait plusieurs choses que je pouvais pas voir. Je pouvais les attraper tous, mais que je pouvais pas voir. Et du coup, il y avait un peu ce truc où c'est là où tu mets les livres pas très importants, les albums photos, les... Finalement, là on est dans dans une répartition horizontale, tout à la même valeur, c'est-à-dire pas beaucoup. The Farnished Road. par Ben Okri. In the beginning, there was a river. The river became a road, and the road branched out to the whole world. And because the road was once a river, it was always hungry. In that land of beginnings, spirits mingled with the unborn. We could assume numerous forms. Many of us were birds. We knew no boundaries. There was much feasting, playing, and sorrowing. We feasted much because of the beautiful terrors of eternity. We played much because we were free. And we sorrowed much because there were always those amongst us who had just returned from the world of the living. They had returned inconsolable for all the love they had left behind and the suffering they hadn't redeemed. All that they hadn't understood, and for all that they had barely begun to learn before they were drawn back to the land of origins. There was no one amongst us who looked forward to being born. We disliked the rigors of existence, the unfulfilled longings, the enshrined injustice of the world, the labyrinth of love, the ignorance of parents, the fact of dying, and the amazing indifference of the living in the midst of the simple beauties of the universe. We feared the heartlessness of human beings, all of whom are born blind, few of whom ever learn to see. C'est l'espèce de vaisselier, on voit, il est pas très grand non plus. Tout est plus bas que mon regard, en fait. Sauf ça, mais c'est caché. Quand je dis sauf ça, c'est les livres de grammaire et l'homme sans qualité, ils sont cachés par une sorte d'éventail qui m'a été rapporté du Japon et un parapluie vietnamien. Donc ça cache un peu tout ça. Plus une plante qui est désespérément en train de mourir. Pas de bol. Et tout est un peu... tout est de la récup. Donc, par exemple, ici, donc il y a ça que j'ai récupéré plus haut, ce parapluie. Cette lampe, c'est mon ex-belle-mère qui l'avait et elle en prenait pas soin du tout, donc je l'ai réparée et je lui ai volée. Ce meuble-là, du coup, je l'ai trouvé dans la rue. J'ai un drapeau de la Turquie très très grand qui est derrière cette bibliothèque et c'est avec quand je suis allée rendre visite à mon meilleur ami à Istanbul. Il y avait la fête d'Atatürk. Et à la fin de la fête, ce drapeau était plus ou moins par terre et on avait essayé de le découper avec une clé. Un mec était passé avec son couteau pour nous aider. Enfin, voilà, ça a une histoire et j'ai récupéré ça. Et tous les fauteuils ici viennent aussi de la rue, y compris le fauteuil Emmanuel sur lequel je me pose pour lire. Et dans cette espèce de vaisselier, du coup, il y a l'espace expo. Je sais pas comment dire, avec ces quelques livres. J'ai même Martine à la place. C'est pas Martine la plage, c'est Martine Petite Maman. C'est très mignon. Et j'ai un atlas des labyrinthes qui m'a été offert par la copine de mon ex. Que je remercie d'ailleurs. Merci Zoé, parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi. En fait, elle m'associait au labyrinthe et c'était assez étonnant parce que quand elle me l'a offert, c'était un moment où je rêvais beaucoup d'être perdue dans des lieux. Enfin, tous les lieux dont je rêvais devenaient labyrinthiques, quoi qu'il arrive. Et j'ai essayé de visiter quelques labyrinthes qui existent vraiment, notamment dans les châteaux de France autour. C'est assez intéressant. Donc Zoé, on ne se parle plus, mais sache que j'ai gardé ton cadeau, si tu écoutes. C'est important. J'ai été élevée catholique. Et du coup, non, c'est pas là. Ok, ça c'est très très drôle, parce que je voulais montrer un petit missel qu'on m'avait offert pour me faire retourner au catholicisme. Et je ne l'ai pas trouvé, le premier truc que j'ai chopé c'est les satires de Juvenal. Voilà, ce qui est quand même assez drôle, parce que c'est... Enfin c'est... On va dire presque l'opposé... quasiment d'extraits de la Bible, donc c'est quand même pas mal. Et donc, comme je disais, en dessous, il y a les livres non lus, qui sont eux aussi installés de manière assez anarchique, avec certains à l'horizontale, certains à la verticale. Il n'y a aucune étagère, pour le coup. Donc c'est les livres à l'horizontale servent d'étagère aux livres à la verticale, et vice-versa. je te vois, t'as l'air désespéré. Non, non, pas du tout. Ce jugement. Et là, c'est un peu... Là, pour le coup, on sent que il y a moins la nécessité de pouvoir lire le titre, puisqu'ils sont tous mis un petit peu n'importe comment. Il y a même des livres encore emballés en paquet cadeau, mais attention, c'est pas un cadeau qu'on m'a fait. C'est un cadeau que je me suis fait. Quand j'achète des livres, je demande toujours un paquet cadeau parce que j'aime bien le plaisir de l'ouvrir. Et je suis très Dale Cooper. Every day, once a day, give yourself a present. Bah du coup, tous les jours, je m'offre un cadeau. Heureusement, tous les jours, c'est pas un livre. Là, c'est le Dit du Genji. Voilà. Je sais ce qu'il y a dedans, hein, attention. Justement, j'allais te le demander. Voilà. Mais quand je passe en librairie, quand je vais acheter un cadeau pour quelqu'un, j'aime bien m'en faire un aussi. Quand c'est pas ça, je sais pas, c'est un truc à manger. Mais je suis très... c'est ça. Tous les jours se faire un cadeau. Voilà, pareil, celui-là, je l'ai acheté il y a pas longtemps et je l'ai pas encore ouvert. Du coup, j'ai pas pu le faire emballer. Mais c'est sur l'art queer et la question du drag en tant qu'art et art politique. Parce que l'an dernier, j'avais un colocataire qui, en plus d'être un monteur absolument brillant, était grand fan de RuPaul's Drag Race. Donc évidemment, il m'a contaminée, très sérieusement. Je ne passe pas une semaine sans regarder un à deux épisodes, parce que évidemment, cette année, ils nous ont bien surchargés. Et en fait, ça m'a ouverte à toute une culture que je regardais de très loin, et surtout, ça m'a rendue curieuse de cette culture-là, parce que je voyais bien que c'était quand même... Ce qu'on me montrait dans cette émission de télé-réalité, c'était quand même quelque chose de très édulcoré, très adapté aux personnes cis-hétéro, très... comment dire... Très américanisé aussi. Et du coup, j'essaye un petit peu de découvrir les autres facettes de tout ça. J'essaye d'aller régulièrement dans des drag shows maintenant que ça a repris à Paris. C'est assez intéressant, je m'y connais pas du tout assez, parce que du coup, la première façon dont j'ai abordé ça, c'est, disons, de la manière facile et grand public. Mais ça m'a vraiment intéressée, ça m'a permis de me poser beaucoup de questions sur le genre et mon genre, mon rapport au genre. Et c'est quelque chose d'assez nécessaire, je pense. Du coup, je suis assez contente d'avoir fait cette découverte. J'ai pris ce bouquin-là, Art Queer, une théorie freak, que j'ai pas encore ouvert parce que je suis principalement en ce moment sur des histoires de bouffe, quoi. Là, actuellement, il est dans mon sac là-bas. Je lis un livre d'une nana qui s'appelle Chitrita Banerjee sur la nourriture indienne et comment elle a été influencée par les différentes phases de colonisation, l'histoire politique et religieuse en général. Parce que c'est quelque chose que je connais un petit peu, par exemple, avec le Japon. En France, bah, avec les bouquins de Madeleine Ferrière, j'ai maîtrisé... Enfin, je ne maîtrise pas le sujet, évidemment, loin s'en faut, mais je m'y connais un petit peu plus. Mais l'Inde, j'avais étudié ce pays en géographie, en prépa, et ça m'était un peu passé au-dessus parce que ça se concentrait sur le territoire et comment le territoire avait rendu évident, d'après ma prof en tout cas, certains changements politiques et de population. Bon, aussi, j'étais assez jeune et assez immature, donc je pense que ça me touchait pas trop. C'était pas un pays qui m'intéressait autant que d'autres pays extrême-orientaux. Et là, j'y retourne, et comme j'entre dans cette culture par un biais qui me touche et que je connais mieux, je retiens beaucoup plus, je comprends beaucoup plus de choses. J'essaye aussi, j'habite dans le quartier indien principalement, et du coup j'essaye, au-delà de la curiosité un peu touristique et de passer devant les temples, de voir les différents restaurants qui sont proposés. Et c'est vraiment pas simple en fait, parce que même si c'est relativement riche par ici, c'est quand même la bouffe d'Inde du Nord, assez basique finalement quand on plonge vraiment dedans. Là j'ai fait des recherches pendant une semaine pour essayer désespérément de trouver un restaurant bengali, parce que la nourriture bengali, elle est très spécifique. Il y a beaucoup de poissons d'eau douce, chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de manger, nous. Et j'ai échoué, voilà, je ne pourrais pas vous donner d'adresse, mais on ne sait jamais. Et dans cette bibliothèque-là, il y a aussi des livres que j'ai commencé et jamais fini. Et s'ils sont là, ça veut dire que j'ai pas abandonné, en fait. Parce que sinon juste je les donne, je les revends, même quand c'est des cadeaux, j'ai vraiment aucun problème. Par exemple, j'ai les Détectives sauvages de Roberto Bolaño, mais je l'ai en espagnol. Parce que au moment où mon bon ami Gaston m'a parlé de cet auteur, je lisais mieux l'espagnol, je sortais de prépa, et du coup je m'en sortais plutôt bien. Sauf que même en s'en sortant plutôt bien, je lis quand même plus lentement, j'ai arrêté, je crois que j'avais lu les 200 premières pages, un truc comme ça. C'est un bouquin de quasiment 1000 pages, donc voilà, j'ai avancé, pas suffisamment avancé. Je l'ai laissé de côté à un moment où j'étais trop fatiguée, où j'arrivais plus à lire, parce que ça arrive, ça aussi, d'avoir des moments où je lis pas du tout. Et après, n'ayant pas beaucoup pratiqué l'espagnol, ou alors de l'espagnol de cuisine, quoi. C'est évidemment... Bon, si je rencontre un bel hispanophone quelque part, je peux dire « Hola, ¿qué tal ?» Et maintenant, à cause de Drag Race Espagna, je sais dire « PD » de 5 manières différentes dans cette langue, mais je n'ai pas le droit de le dire, heureusement. Mais je sais le faire. Voilà, félicitations. Merci beaucoup, Drag Race. Encore un grand mouvement, un grand moment culturel. Donc j'ai un peu abandonné ça. Il y en a d'autres. Par exemple, le livre du Duc des Vrais Amants de Christine de Pizan. J'ai pas beaucoup avancé dedans non plus. C'était un moment où j'avais découvert la littérature médiévale. Et j'étais tombée complètement amoureuse. Mais ça, en fait, c'est beaucoup... J'ai l'impression... Plus que mes livres lus, puisqu'au bout d'un moment j'en ai donné, et ceux que j'aime pas en fait ont disparu, je les ai vendus, donnés. Dans les livres non lus, c'est peut-être plus caractérisant de qui j'ai été, parce que c'est des choses que j'ai achetées ou qu'on m'a offert à différents moments de ma vie. Et en fait, si je les ai pas lus, il y a aussi une bonne raison, mais s'ils sont là et si je les ai pas abandonnés, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a par exemple ça, La Compagnie Noire, c'est un copain qui me l'a prêté et que j'ai pas commencé. Mais parce que je lisais beaucoup... Comment dire ? Je lisais et écrivais du fantastique, slash plutôt de la SF en vérité, mais lui voulait vraiment me faire découvrir le fantastique, vraiment. Donc il m'a prêté ça, et puis qu'il est en plein déménagement, il a le temps. J'ai aussi ça, qui... j'étudie le chinois. Et du coup, j'ai acheté cette très belle bande dessinée qui s'appelle Les Pieds Bandés. Et régulièrement, j'y retourne et je découvre qu'il y a de plus en plus de mots que je comprends. Je me suis dit, la bande dessinée, c'est bien pour ça, parce que je peux pas vraiment la comprendre. Elle est assez bavarde quand même, donc je peux pas vraiment la comprendre sans comprendre le chinois. Mais il y a un peu de tout. Il y a des choses qui sont... crucial dans l'histoire, et puis il y a des petits moments de grâce entre guillemets que je ne saisissais pas, et maintenant quand je les ouvre je comprends vraiment ce qui se passe. Donc lui, je peux pas dire que je l'ai lu, parce que pour le moment je sais de quoi ça parle, mais je l'ai pas compris, ce livre, donc il reste là. Mais en vérité, je le feuillette régulièrement pour voir un petit peu mon niveau de chinois, parce que sinon je fais beaucoup en application. J'ai un autre livre qui est en bilingue, qui est, je ne sais pas où, je crois qu'il est là. L'étude du chinois. Je ne sais pas où il est. Mais bon, c'est sur l'histoire du roi singe. C'est l'Odyssée vers l'Ouest, ou la Chevauchée vers l'Ouest. Et c'est écrit en chinois, mais c'est une version très simplifiée de l'histoire, et avec des mots qui sont soulignés, avec leur traduction en anglais. Donc du coup, ça me permet de faire un peu de vocabulaire. Et comme la grammaire est relativement simple, j'ai pas trop de mal à comprendre ce qui se passe. Et là, j'ai l'air super badass, mais faut me voir au restaurant avec mes amies chinoises. C'est malheureusement très ridicule. Comme quoi, la lecture suffit pas du tout. Au contraire. Et en fait, ça me fait un peu bizarre de me retrouver face à ça, parce que du coup, bah, je le cache, je ne bouffe pas trop, et je découvre qu'il y a beaucoup de cadeaux. Par exemple, ça. Ça, c'est un bouquin de Wittgenstein, parce qu'à un moment, j'étais très intriguée par ce philosophe. Et ma copine de l'époque me l'avait offert pour mon anniversaire. Et j'ai eu beaucoup de mal à le lire, j'ai toujours pas bien avancé. Et on avait un délire avec un nanar qu'on regardait avec mes potes, elle aussi. Et dans ce film de série Z, on va dire, il y a un moment où une femme dit à son enfant « Papa est sale, tu veux l'embrasser ?» avec un doublage absolument absurde. Et du coup, voilà, dans la première page, j'ai écrit « Wittgenstein est sale, tu veux l'embrasser ?» entre parenthèses, ceci est un cadeau. Et cette fille-là, j'ai plus aucune nouvelle, mais j'ai encore une trace d'elle très émue. Il y a l'idiot de Dostoïevski que j'ai essayé de... Oui, que j'ai essayé de lire désespérément. Parce que mon ex-copain était absolument fan de lui et j'y arrivais pas. Et je me sentais très très bête de pas y arriver. Et je me dis que maintenant, après un an de thérapie quand même, merci, maintenant je pense que je pourrais le lire sans la pression intellectuelle de suis-je à la hauteur de cette personne que j'aime. Ce qui est vraiment pas simple. Hein. En fait, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, j'avais un rapport à la lecture un petit peu compliqué parce que je lis pas forcément beaucoup. C'est comme le regarder des films, j'en vois pas tant que ça. Et en plus, j'ai des goûts qui sont assez. C'est pas pointu au sens snob du terme. J'aime des choses très particulières. Mais qui correspondent à ma personnalité. Voilà, lire 15 000 essais sur la bouffe. Ça intéresse pas tout le monde, et c'est normal. Et en plus, avec mon rapport au roman, ça fait que j'ai souvent du mal à en lire, et ça fait que je suis parfois un petit peu en décalage avec les gens que j'aime, admire et fréquente. Et parfois, je le perçois un peu comme un décalage intellectuel. J'ai l'impression qu'il y a des choses que je comprends pas, finalement. Et c'est assez frustrant. Et du coup, après, voilà, j'achète le livre, j'essaie de comprendre, et je comprends pas, et ça m'énerve. Et ça se retrouve dans les livres non lus. Ça, The Rape of the Lock, d'Alexander Pope, je l'ai volé chez des gens, en Corse. Désolée. J'ai pas vraiment fait exprès, je l'avais emprunté pour le lire, j'avais seulement lu quelques poèmes. Et en faisant mon déménagement, parce que j'ai eu, comme à l'aller, j'ai eu 2 jours pour intégralement changer de vie, j'avoue que j'ai pas vraiment fait le tri entre les livres qui étaient à moi et les livres qui n'étaient pas à moi, et du coup ils sont tous devenus à moi par la force des choses. E.E. Cummings, Selected Poems. Le poème s'appelle I Like My Body. I like my body when it is with your body. It is so quite new a thing. Muscles better and nerves more. I like your body. I like what it does. I like its house. I like to feel the spine of your body on its bones and the trembling, firm smoothness on which I will again and again and again kiss. I like kissing this and that of you. I like slowly stroking the shocking fuzz of your electric fur. And what is it comes over parting flesh? And eyes, big love crumbs, and possibly I like the thrill of under me you so quite new. Voilà. Mais c'est vraiment très très étrange en fait de rouvrir cet endroit. Parce que je le fais très rarement, je le fais quand j'ai envie de lire et que j'ai pas une idée précise en tête. Ce qui est quand même assez rare, surtout en ce moment où je lis des choses très orientées. Donc. Et il y a des choses, je pense qu'il y a un moment, je vais devoir les donner aussi. Franchement, je ne suis pas sûre que je lirai un jour Madame Bovary. Voilà. Je dois avouer, il est là. Je me laisse encore 2 ans. Si au bout de 2 ans, je ne l'ai pas ouvert, c'est que je dois accepter, en fait. je dois accepter. Il y a pas mal de livres d'histoire, parce que je crois qu'il y a un... Vous savez, un de ces vieux qui aime bien lire de l'histoire, qui est mort dans mon immeuble, et du coup ils ont mis ça à donner dans l'entrée. Et j'en ai pris un sur la chute de Constantinople, va peut-être falloir que je lise. Si ça parle de nourriture, je le ferai. Voilà. Voilà, c'est très, très bizarre. Il y a beaucoup de philo. Il y a un peu de Mishima. Il faut absolument se retourner. Il faut retourner sa tête. En fait, il faut faire le poirier pour pouvoir lire la plupart des titres. C'est, je me piège vraiment, en fait, pour pas lire, j'ai l'impression. J'espère que tu mixes derrière. Oui. Le dernier coin, très important, qui est le coin, donc comme je disais, non-fiction. Il y a plusieurs trucs sur... J'ai l'impression que ça se divise un petit peu en trois trucs. Plus, tu vois, les histoires des idées, les gombriches, on a tout ça caché quelque part. On les a lus quand on espérait être de brillants intellectuels, et puis après on laisse tomber. On va dire qu'il y a le côté politique avec un versant très très féministe, principalement. Il y a ce livre que j'aime beaucoup qui s'appelle The Feminist Utopia Project. En fait, dans les livres sur le féminisme, entre gros guillemets, j'ai quasiment que des choses positives. J'avais le rapport Haidt que j'ai donné, je crois. Parce qu'en fait, tout ce qui était un peu, on va dire, dans le constat me déprimait profondément, ce qui est normal parce que le constat est déprimant. En plus, le rapport Haidt, c'est un bouquin des années 70 où des femmes parlent de leur sexualité. Et alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et bon, au bout, quand il y a 10% minimum qui parlent de viol constamment et d'absence de plaisir et de... C'est lourd. Et c'est vraiment, c'est une énorme brique, ce livre. Je sais pas si je l'ai donné ou si je l'ai gardé quelque part, je sais pas. Mais du coup, par exemple, The Feminist Utopia Project, c'est plein d'artistes, de philosophes, de militantes qui imaginent à quoi ressemblerait une utopie féministe. Et bon, on n'est évidemment pas d'accord avec tout parce que c'est hyper varié et que ça balaye beaucoup de choses. Mais c'est, mais justement, ça montre un peu la richesse de cette idéologie. Parce qu'en fait, tant qu'on est dans le constat il est le même partout, c'est la merde. Alors que quand on regarde vers quoi on peut vouloir tendre, on découvre que c'est hyper riche et beaucoup plus riche que ce qu'on a tendance à entendre le plus sur il faut que les femmes riches et blanches gagnent autant que les hommes riches et blancs. Et bon, c'est cool, hein, mais bof. Donc j'ai principalement ça, et puis des choses sur le voyage, qui du coup peuvent être liées au féminisme, avec Les femmes sont du voyage de Lucie Azéma, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Après, beaucoup de choses politiques, on va dire généralistes, sur le panafricanisme, et beaucoup de philosophie de la solitude. Genre entre A Field Guide to Getting Lost, donc Rebecca Solnit, où c'est comment se perdre et se perdre soi et perdre les autres, et voilà. Loneliness as a Way of Life. En français, il y a Rupture de Claire Marin, que j'aime beaucoup. J'ai pas mal de gens qui, à différentes périodes de ma vie, m'ont écrit en disant « Il faut absolument que tu lises ça !» Et je suis quasiment persuadée que c'est moi qui leur avais conseillé le bouquin initialement, parce que je l'ai lu quand il venait tout juste de sortir, et qu'il m'avait vraiment beaucoup remué. C'est assez intriguant. Je l'aime beaucoup. Et donc le dernier truc, et donc non, c'est pas divisé en 3 mais en 4, merci de me faire remarquer, c'est sur la cuisine et sur la nourriture. J'ai quelques livres de cuisine, mais pour quelqu'un qui aime autant manger et autant penser la nourriture, je cuisine pas beaucoup, du tout, pas. Enfin, vraiment, cette cuisine, elle est utilisée, mais je dois... Ouais... 5 fois par semaine, max. Ça semble beaucoup, mais comme je travaille de chez moi, théoriquement, je suis censée manger au moins 14 repas dans la semaine ici, donc finalement 5, c'est pas beaucoup. Et là, ça part un petit peu en couille, tous les trucs sur la cuisine, parce que entre ceux que j'emprunte, c'est surtout de l'emprunt, les trucs qui sont... Celui-là, il est très très beau, ça a été mon auto-cadeau d'anniversaire. C'est... Ça s'appelle Black Sea, de Caroline Eden. Et c'est un livre de cuisine, mais qui se pense comme un roman de voyage à travers la mer Noire. C'est très très beau. Ça se voit que je me le suis offert pour mon anniversaire, donc il y a pile un mois. Parce que... il est pas très abîmé. Et pourtant, je l'ouvre un petit peu. Il y a toutes ces histoires. Il y a un truc sur la cuisine totalitaire, sur la nourriture au féminin, des histoires marrantes sur la bouffe, mais qui sont pas très... Les trucs les plus pertinents sont pas vraiment là, en fait. Ils sont plus... ils sont prêtés ou empruntés et rendus. Mais surtout, j'ai le truc le plus important du monde. Food Wars. Et ça, c'est pour ça que c'est quand même assez éclectique, c'est que ça se veut... Ça se voulait de la non-fiction, mais je me suis dit, ça, vraiment, ça parle de nourriture, quoi. Et ça ne parle littéralement que de nourriture. Et un petit peu d'adolescente à poil, mais principalement de nourriture. J'ai vu tout l'anime, qui est quand même meilleur que le manga. Mais dans le manga, j'ai accès aux recettes, en fait. Donc c'est quand même cool. Et il y a... Ce que j'aime beaucoup avec Food Wars, c'est que... Sous le prétexte d'un animé qui est quand même vraiment pas très intelligent. C'est le shonen le plus bête qu'on ait pu inventer. Y a beaucoup d'explications en fait sur la production des saveurs, sur la chimie à l'intérieur de la nourriture. Plein de choses qui parfois me manquent un petit peu. Bah, là, une des personnes que je fréquente en ce moment a un livre super intéressant justement sur... Toute la chimie dans la nourriture. Et dernièrement, il s'est mis à tester toutes les façons de faire des œufs. Ça tombe bien, c'est ma façon. C'est ce que je préfère, les œufs. Et clairement, c'est pour ça que je garde cette personne dans ma vie. Juste pour ce livre-là. Après je le lui volerai avant la rupture. Chut. Donc voilà. Voilà, c'est un petit peu ça. Ah, bah le voilà. Mon Nouveau Testament. Avec les psaumes, et avec, je crois, il y a une dédicace. Attention. Cédrian, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais aura la lumière, la vie. Jean 8, 12. Oui, j'ai galéré à lire les chiffres romains, on ne se moque pas. Qui est évidemment à côté du petit livre rouge de Mao. Acheté en Chine, en version bilingue. Ça, c'est beau. Du coup, je suis pas obligée de faire semblant de comprendre le chinois suffisamment bien. Parce que je peux vous commander des nouilles aigres et épicées, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Je crois qu'il en parle dedans, hein, quand même. Il parle de dîner de gala, tout ça, j'ai pas très bien compris. Ça fait longtemps. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Mes bibliothèques.